mais il était reconnaissant à Dussardier de son dévouement. Le commis, sur ses instances, arriva bientôt à lui faire une visite tous les jours. Frédéric lui prêtait des livres. Thiers, Delort, Barante, les Girondins de Lamartine. Le brave garçon l'écoutait avec recueillement et acceptait ses opinions comme celles d'un maître. Il arriva un soir tout effaré. Le matin, sur le boulevard, un homme qui courait à perdre haleine s'était heurté contre lui et, l'ayant reconnu pour un ami de Sénécal, lui avait dit « On vient de le prendre, je me sauve !» Rien n'est plus vrai. Dussardier avait passé la journée aux informations. Sénécal était sous les verrous comme prévenu d'attentats politiques. Fils d'un contremaître, né à Lyon, ayant eu pour professeur un ancien disciple de Chalier, dès son arrivée à Paris, il s'était fait recevoir de la Société des Familles. Ses habitudes étaient connues. La police le surveillait. Il s'était battu dans l'affaire de mai 1839 et, depuis lors, se tenait à l'ombre, mais, s'exaltant de plus en plus, fanatique d'Ali Beau, mêlant ses griefs contre la société à ceux du peuple contre la monarchie, et s'éveillant chaque matin avec l'espoir d'une révolution qui, en 15 jours ou un mois, changerait le monde. Enfin, écœuré par la mollesse de ses frères, furieux des retards qu'on opposait à ses rêves et désespérant de la patrie, il était entré comme chimiste dans le complot des bombes incendiaires. Et on l'avait surpris, portant de la poudre qu'il allait essayer à Montmartre, tentative suprême pour établir la République. Dussardier ne la chérissait pas moins, car elle signifiait, croyait-il, affranchissement et bonheur universel. Un jour, à 15 ans, dans la rue Trasnonain, devant la boutique d'un épicier, il avait vu des soldats, la baïonnette rouge de sang, avec des cheveux collés à la crosse de leur fusil. Depuis ce temps-là, le gouvernement l'exaspérait comme l'incarnation même de l'injustice. Il confondait un peu les assassins et les gendarmes. Un mouchard valait à ses yeux un parricide. Tout le mal répandu sur la terre, il attribuait naïvement au pouvoir et il le haïssait d'une haine essentielle, permanente, qui lui tenait tout le cœur et raffinait sa sensibilité. Les déclamations de Sénécal l'avaient ébloui. Qu'il fût coupable ou non, et sa tentative odieuse, peu importait. Du moment qu'il était la victime de l'autorité, on devait le servir.